Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. Le peuple est un silence. Je serai l'immense avocat de ce silence. Je parlerai pour les muets. Je parlerai des petits aux grands et des faibles aux puissants. C'est là le but de mon sort. Dieu veut ce qu'il veut et il le fait. Il y a des destinées secrètes, moi j'ai la clé de la mienne, et j'ouvre mon énigme, je suis prédestiné. J'ai une mission, je serai le lord des pauvres. Je parlerai pour tous les taciturnes désespérés, je traduirai les bégaiements, je traduirai les grondements, les hurlements, les murmures, la rumeur des foules, les plaintes mal prononcées, les voix inintelligibles et tous ces cris de bêtes qu'à force d'ignorance et de souffrance ont fait pousser aux hommes. Le bruit des hommes est inarticulé, comme le bruit du vent, ils crient, mais on ne les comprend pas. Crier ainsi équivaut à se taire, et se taire est leur désarmement. Désarmement forcé, qui réclame le secours. Moi, je serai le secours. Moi, je serai la dénonciation. Je serai le verbe du peuple. Grâce à moi, on comprendra. Je serai la bouche sanglante, dont le bâillon est arraché. Je dirai tout. Ce sera grand. Bonjour Jean-Claude Monod. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et l'auteur de « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?» paru en Seuil et plus récemment en Point Seuil et qui prend le temps de définir ce que l'on entend par « peuple ». On ne peut pas réfléchir sur le populaire, la popularité, sans définir ce qu'est le peuple. Et nous commençons avec une définition de Victor Hugo dans la bouche de Gwynplaine, le personnage principal de « L'homme qui rit », qui après un parcours dont on ne révélera pas tous les méandres, part du peuple et devient lord, et il dit « je deviendrai le lord du peuple, mais d'abord le peuple est un silence ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas trop, parce que je pense que ça plonge dans une vieille tradition. Il y avait une sorte de devise qui disait que le silence des peuples était la leçon des rois. Mais donc, dans le livre d'Hugo, je pense que c'est l'idée que le peuple est au fond d'abord souffrant, et qu'il y a une sorte de misère qui est ignorée, justement, de la noblesse. Et donc, Hugo avait le projet de faire une série de livres sur l'aristocratie, la démocratie. Et celui-là, c'est sur l'aristocratie. Et Gwynplaine, en fait, vient de l'aristocratie, mais il a été kidnappé, défiguré, etc. Mais il peut revenir à la Chambre des Lords, mais il a connu la souffrance. Et donc, il y a l'idée que voilà, celui qui est passé par la souffrance et la misère peut se faire le lord des pauvres, peut crier, peut avoir la bouche sanglante qu'il faut pour évoquer le peuple et pour le sortir de son silence. Et au fond, c'est tout ce problème de voilà du porte-voix du peuple. C'est-à-dire, le peuple a été érigé en principe depuis Rome, peut-être depuis Athènes ou depuis la démocratie moderne. Mais ce n'est pas parce qu'il est au principe de la légitimité qu'il peut parler véritablement, qu'il peut s'exprimer. Donc comment le sortons de son silence ? Et évidemment, un écrivain comme Hugo, voilà, faut penser sa propre tâche aussi, comme celle-là, hein, comme celle de donner voix au peuple. Et on voit que c'est une question d'ailleurs qui reste assez ouverte, même si on ne l'exprimerait peut-être plus en termes comme ça, peut-être assez doloriste ça, sur la souffrance, enfin, définir le peuple par la souffrance, c'est peut-être. C'est ça, pour Hugo, le peuple, c'est celui qui souffre. C'est un de ses aspects, il peut aussi se rebeller, il peut aussi agir, etc. Mais une des dimensions, c'est quand même, voilà, les misérables, la souffrance, bon, c'est une dimension du peuple du 19e siècle et peut-être transversale. Et ça renvoie à une définition du peuple, ou à un aspect de la définition du peuple qui est, disons, on peut dire le peuple social, c'est-à-dire la part du peuple. Mais on voit que le peuple se dédouble dans une définition comme ça, c'est-à-dire la part du peuple qui est la moins favorisée, la plus pauvre, la plus misérable. Mais quand on dit part du peuple, c'est-à-dire qu'il y a une autre définition du peuple, évidemment, qui est le tout, c'est-à-dire la totalité des membres du groupe. Donc là, on a évidemment des mots dans les langues de culture européenne, les langues fondatrices de la pensée politique européenne, qui vont distinguer ces différents aspects du peuple, et notamment En latin ou à Rome, c'est plutôt populus, donc le peuple communauté, hein, le peuple comme entité politique et comme unité. Et puis la plèbe, ou le vulgus, c'est-à-dire la part du peuple qui est toujours à la lisière des institutions, qui est exclu, mais qui cherche à s'inclure, qui est indiscipliné, mais qui est quand même participe de la vie. De la vie du tout. Et bon, ça, je pense, c'est une des grandes difficultés de la pensée occidentale, de la philosophie occidentale, c'est d'articuler le peuple comme unité et le peuple comme la part dans le peuple qui est toujours exclue. D'autant que la notion même de peuple a changé de sens au cours de l'histoire. On a commencé avec une vision du 19e siècle, celle de Hugo, qui identifie le peuple à la plèbe, au sens économique du terme. Le peuple, ce sont les pauvres. C'est la majorité qui souffre en silence. Et si on remonte l'histoire de la pensée, l'histoire de la politique, il n'en a pas toujours été ainsi. Le peuple, c'est aussi celui qui, une forme de communauté régie par une même loi à une époque. Puis ensuite, c'est le peuple, c'est celui qui parle la même langue. Les conceptions évoluent. Oui, les conceptions évoluent. Ce qui est à peu près toujours constant, c'est l'idée qu'il y a un groupe qui est unifié par quelque chose. Bon, ça peut être un passé ou une tâche. D'ailleurs, l'idée aussi de communauté a cette même ambiguïté. Il y a quelque chose qui unit. Et puis, bon, le principe unificateur. Alors, on peut mettre en avant différents principes, justement. En Grèce, il y a aussi cette idée que l'unité peut être celle d'un groupe qu'on dira ethnique, d'ailleurs, c'est le mot ethnos, hein, qui renvoie à la souche, qui se différencie d'autres groupes, ou bien on insistera plutôt sur effectivement l'unité d'un peuple sous une loi qu'il s'est donnée ou qu'on lui a donnée. C'est plutôt le démos qui renvoie à cette vision d'un peuple surtout politique, d'un peuple qui se reconnaît dans un ensemble de lois. Et là aussi, on voit qu'au fond, il y a des dimensions ou des directions de l'idée de peuple qui peuvent être tirées, dans un sens ou dans l'autre. Le peuple social, le peuple national, on dirait aujourd'hui, le peuple du peuple, c'est-à-dire la part la plus pauvre du peuple, ou le peuple comme unité civique. Et bon, ce sont des dimensions que le discours politique joue parfois les unes contre les autres, articule différemment, rebat, on peut dire d'ailleurs la droite et la gauche différemment, le populisme. On va y venir, oui. Voilà. Oui, parce que la grande question est de savoir le lien, quel est le lien entre ce que l'on appelle le peuple, l'importance de la popularité pour celui qui gouverne le peuple et la nécessité ou l'inéluctabilité de la pente glissante vers le populisme. Au fond, ces trois termes sont liés à la conception que l'on se fait du peuple. C'est pour ça qu'on commence par le définir, Jean-Claude Monod. Mais justement, encore un point, la définition du peuple est-elle celle que le peuple se donne de lui-même ou bien n'est-elle pas toujours donnée par celui qui se situe en dehors du peuple ? C'est une question qui surgit d'ailleurs peut-être chez les penseurs politiques modernes comme Machiavel. Lorsque dans le discours sur les premières des quêtes de Tite-Live, il se demande si les gens qui ont écrit sur le peuple n'étaient pas toujours finalement des gens qui n'en faisaient pas tout à fait partie, puisque pour écrire sur le peuple, il faut déjà être un clerc, un intellectuel, etc. Et donc, s'ils n'avaient pas tendance à en dire du mal, parce qu'ils n'en faisaient pas tellement partie et qu'ils écrivaient plutôt à l'intention des princes. Ce que Machiavel lui-même a fait d'ailleurs par ailleurs, mais il y a ce texte très fameux où il dit que, le peuple a été plutôt calomnié parce que, au fond, il n'avait pas de prérogatives, de prébendes à offrir, il ne pouvait pas offrir des postes, etc. Et donc, les philosophes ou les intellectuels s'en démarquaient. Ensuite, bien sûr, il y a eu aussi des gens qui se sont fait les avocats et qui ont voulu porter véritablement la voix du peuple. Et on peut dire d'ailleurs dès le XVIIIe siècle, d'ailleurs même avant, Machiavel lui-même, d'un certain point de vue, se veut un penseur républicain, c'est-à-dire un penseur quand même de la chose publique, de l'intérêt du peuple dans sa totalité, et peut-être plus particulièrement de cette partie du peuple qu'il appelle le petit peuple, ou par opposition au grand. Il y a encore cette opposition, qui est une opposition sociale, qui vient traverser l'unité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, la popularité, c'est encore une autre dimension. Et on peut se demander, d'ailleurs, si elle n'introduit pas toujours, au fond, une sorte de dissymétrie et d'ambiguïté j'avais noté, enfin c'est l'historien de Rome justement, Claude Nicolet, qui a relevé que la popularité est un mot qui apparaît à Rome au fond lorsque le peuple justement n'est plus au principe, c'est-à-dire avec l'Empire et pas avec la République. C'est-à-dire on parle de popularité au moment, on parle de la popularité de l'empereur et pas sous la République. Donc comme si c'était une notion plutôt qui engageait le rapport d'un gouvernant à voilà un peuple dont il doit conquérir les faveurs, mais pas tellement sur le mode de l'élection ou vous voyez d'un principe de désignation, mais plutôt pour s'assurer que le peuple lui est fidèle. C'est un instrument pour gouverner ou un outil. Voilà, ça peut être plutôt un outil de gouvernement, un instrument d'ajustement de la relation entre le gouvernant et le gouverné. À quoi il faut veiller stratégiquement pour éviter d'être renversé. Il y a la crainte du peuple qui est toujours à l'arrière-plan aussi, la crainte des masses et la popularité de ce point de vue-là est quelque chose d'ambigu et d'ailleurs je crois que sous la Révolution française c'est une notion qui était assez justement négativement connotée. On parle de la popularité redoutable qui conduit à la tyrannie. C'est-à-dire, il y a plutôt l'idée que la popularité est une sorte de rapport un peu direct au peuple, mais par lequel on entend plutôt le manipuler et plutôt que faire en sorte qu'il gouverne lui-même. Et donc il y a l'image du tyran qui se profile, c'est-à-dire quelqu'un qui joue, ou du démagogue, c'est-à-dire qui joue sur les passions du peuple ou sur ses sentiments les moins rationnels. Et donc la popularité, je crois, a été longtemps perçue comme une notion ambivalente. C'est peut-être moins le cas à partir de, semble-t-il, à partir d'ailleurs de la Ve République en France, c'est-à-dire où il y a quelque chose qu'on cherche à combiner, au fond, l'image du dirigeant et d'une onction populaire. Et on pense positivement à la popularité comme quelque chose qui doit, au fond, étayer l'action gouvernementale, la confirmer et, au fond, une sorte ranimer le rapport du gouvernant au peuple au-delà de l'élection. Mais sinon, je pense que c'est une notion relativement ambivalente parce qu'il y a toujours le soupçon que c'est quelque chose qui peut se construire, qui se manipule, qui... Alors, et pour cause, il suffit d'ouvrir Le Prince de Machiavel, donc 16e siècle quand même, bien avant que les problématiques propres à la Ve République n'apparaissent. On y trouve dans les conseils pour bien gouverner, pour que le prince se maintienne au pouvoir, l'importance de se faire aimer du peuple. Et donc, d'entretenir une forme de popularité, c'est-à-dire que cette popularité se transforme en populisme. Écoutons le texte, on verra ensuite comment il s'applique encore aujourd'hui. Le prince doit penser de fuir les choses qui le font tomber en haine et mépris. Et toute et quante fois qu'il ne faillira point en cet endroit, il aura bien besogné et ne se trouvera point en danger par les autres mauvais renoms. Sur toute chose, ce qui le fait le plus haïr, c'est de piller les biens et prendre à force les femmes de ses sujets, de quoi il se doit abstenir. Car quand on n'ôte point aux hommes ni les biens ni l'honneur, ils vivent contents. Et il n'y a plus à faire qu'à combattre l'ambition de peu de gens, laquelle facilement et de plusieurs manières on peut abattre. Mais d'être estimé variable, léger, efféminé, de peu de courage et sans résolution, le fait mépriser. C'est ce qu'un prince doit fuir comme un écueil en mer, et s'efforcer quand ses actions reconnaissent une certaine grandeur, magnanimité, gravité, force, et envers les intrigues privées de ses sujets, vouloir sa sentence être irrévocable, et qu'il fasse régner de lui opinion telle que personne ne songe à le tromper ni circonvenir. Le prince qui donne cette estime de sa personne s'acquiert grande réputation, et contre celui qui est en telle réputation, on ne se conjure pas facilement, on ne l'attaque pas facilement, pour le moins si on connaît qu'il soit excellent et redouté et respecté des siens. « Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons du populaire cette semaine, de la popularité du populisme aujourd'hui en politique, en compagnie du philosophe Jean-Claude Monod, auteur de « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?». On y vient justement à ce chef, alors pas encore en démocratie, hein, Jean-Claude Monod, mais ce gouvernant, le prince de Machiavel, hein, qu'il faut conseiller pour se maintenir en place. Eh bien, parmi les conseils qui sont dispensés, on trouve celui de donner une certaine estime de sa personne afin d'acquérir une grande réputation. C'est dire ici que le prince doit mettre en scène sa personne pour se faire aimer, mais ne pas se montrer trop faible, nous a-t-il dit. Il faut aussi montrer que nous ne cédons pas complètement aux sirènes de la popularité. Donc il y a un équilibre subtil à trouver. Ah oui, certainement, le prince de Machiavel est vraiment consacré à trouver une ligne entre des écueils différents. Et d'ailleurs, le texte qui a été lu le montre bien. C'est, il faut éviter à la fois la haine et le mépris. Mais c'est le chapitre 19 du voilà. Prince, qu'on se doit garder d'être haï et méprisé. Voilà, donc éviter la haine et le mépris, mais quand même parvenir à être redouté. Donc il faut être redouté sans être haï, il faut être respecté sans être détesté. Et c'est l'opinion qui est au cœur de cette opération. Et cela passe pour Machiavel évidemment par un jeu avec une apparence, avec les apparences, avec ce que vous appeliez peut-être la mise en scène de soi. Et aussi, certainement, ça tient à l'évitement de certaines pratiques qui conduiraient assez sûrement à être détestées. C'est-à-dire le pillage des biens des citoyens ou le fait de leur voler leurs femmes. Bon, donc là, on a évidemment un arrière-plan de pratiques d'abus assez caractérisées. Mais on sait que dans certains chapitres du Prince, Machiavel recommande une certaine brutalité pour imposer justement l'image de l'autorité redoutable, même si souvent il la pondère immédiatement avec le fait, par exemple, il y a ce chapitre fameux où il évoque ce prince qui a commis une sorte de commissaire ou de ministre à appliquer au peuple qui était trop indiscipliné, une sorte de terreur. Mais après, il a sacrifié ce ministre lui-même, il l'a coupé en deux, d'ailleurs, dit Machiavel, sur une place publique, pour que finalement les mauvais sentiments, le ressentiment ou la haine à l'égard de ce personnage qui avait semé la terreur, voilà, s'exerce contre lui et pas contre le prince. Donc le prince, d'abord, exerce son autorité, puis il veut quand même avoir l'air bon en sacrifiant celui qui a exercé la terreur. Donc il y a évidemment toute cette dimension de calcul ici pour garder une apparence, disons, de bien, tout en exerçant une autorité. Et bon, et là, évidemment, dans les arcanes de l'art de gouverner, telles qu'elles ont été explorées par la pensée politique, à partir du moment où elle a voulu, au fond, se définir comme une pratique autonome, qui devait avoir ses propres règles et ne pas être absolument assujettie à la morale ou aux vertus chrétiennes. C'est-à-dire considérer le fait de gouverner comme un métier. Comme une technique, non, oui, c'est ça. Voilà. C'est une technique qui a ses règles et qui peut être amorale, qui ne doit pas toujours l'être et qui doit surtout parfois ne pas donner l'impression de l'être, mais qui doit savoir l'être. Bon, cette problématique du prince où Machiavel ne recommande pas du tout la brutalité systématique, mais il recommande une certaine conscience dans les effets de l'action et effectivement aussi dans les d'éviter d'avoir l'air trop souple ou trop mou ou trop, influençable. Donc il y a différents périls à conjurer. Mais il y a aussi, c'est quand même un moment de la politique où on est obsédé par précisément la conjuration, c'est-à-dire le fait que le peuple ou des éléments autour du prince peuvent se retourner contre lui et le démettre. Donc c'est quand même un moment de la pensée politique qui est obsédé par la question de la conservation du pouvoir. Oui, avant même les élections, parce qu'aujourd'hui la popularité est très importante en période de campagne électorale, d'élections, puis après une fois qu'on arrive au gouvernement. Mais là, même dans un contexte non démocratique, la popularité est importante pour pouvoir rester en place. C'est ça, la popularité est un des éléments importants, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments qui permet de rester en place. Et ensuite, effectivement, dans les coordonnées démocratiques, cette question demeure, même si elle se pose différemment, parce qu'effectivement, elle se concentre dans la période électorale, et on peut considérer qu'une fois l'élection faite, la popularité n'est pas forcément requise pour gouverner, ou du moins, enfin, c'est une question. Et même à l'inverse, bien souvent, ouais. des hommes d'État dont on se souvient aujourd'hui sont ceux qui ont pris le risque de l'impopularité pour bien gouverner. Je vous propose qu'on en écoute un exemple maintenant. Mmh. C'était le discours du 13 mai 1940 à Londres du Premier ministre Winston Churchill, qui vient d'être nommé comme tel, en remplacement de Chamberlain. Et lui, contrairement, on attend de lui un discours pacifiste, quelque chose qui puisse apaiser la guerre. Et écoutez les mots qu'il prononce à la radio en direct. Finalement, il dit qu'il n'a rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable Winston Churchill. On Friday evening last, I received His Majesty's commission. Vendredi dernier dans la soirée, Sa Majesté m'a confié la mission de former un nouveau gouvernement. C'était le vœu, la volonté clairement exprimée du Parlement et de la nation, qu'il reposât sur les bases les plus larges, y compris tous les partis. Je voudrais dire à la Chambre et à mes collègues du gouvernement que je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous faisons face à la plus terrible des épreuves. Nous avons devant nous beaucoup de mois de lutte et de souffrance. Vous demandez ce qu'est notre politique? Je peux vous le dire, c'est faire la guerre sur mer, sur terre, dans les airs, par tous les moyens, avec toute la puissance et avec toute la force qu'il plaira à Dieu de nous donner. Faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse, sans égale dans le sinistre et lamentable catalogue du crime humain. Voilà notre politique. Vous me demandez quel est notre but? Je vous réponds d'un mot. La victoire. La victoire à tout prix. La victoire en dépit de toute terreur, aussi longue et difficile que puisse être la route, la victoire. Car sans victoire, il n'est point de salut. Ça fait partie des exemples, Jean-Claude Monod, dans l'histoire de la politique, de ces personnes qui ont su dire non et qui ont su prendre le risque d'aller à l'encontre de ce qu'on pensait qu'il était attendu d'eux, et qui ont eu raison. Oui, certainement, c'est-à-dire bon, il y a ces moments historiques où, disons, une urgence, une épreuve s'impose à un peuple ou à une nation, et où, effectivement, un leader, un homme politique assume le fait qu'il faut vraiment affronter cette épreuve et ne pas la fuir. Et bon, en l'occurrence, évidemment, c'est face à Hitler, face à la menace nazie que Churchill prononce ce discours extrêmement célèbre, d'ailleurs, hein, et fort, qui va à l'encontre de toute promesse de facilité ou de bonheur, parce que c'est un moment où tout simplement, tout ça n'est plus à l'ordre du jour, et ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'affrontement de cette épreuve. Et alors, je pense que c'est une idée évidemment importante, hein, que le dirigeant, y compris le dirigeant démocratique, est un dirigeant qui, à certains moments, doit aller à l'encontre de certaines attentes et de certaines idées, doit peut-être devancer ou faire preuve d'une clairvoyance qui lui permet de proposer ou d'imposer en un sens des mesures qui seront reconnues juste après coup. C'est-à-dire, là, c'est pas en un sens, il l'impose complètement, y compris la Chambre des communes. Il se met tout le monde à dos lorsqu'il prononce ce discours. Oui, voilà, c'est-à-dire le film qui est sorti récemment, Les Heures Sombres, le montre très bien. À quel point personne n'est de son côté. Voilà, il y a le risque de l'isolement, il doit séduire le roi, de l'impopularité, il y a le risque de s'aliéner parfois ses propres soutiens. Bon, ça c'est assez exceptionnel, il y a quelques exemples dans l'histoire. On peut aussi prendre un exemple différent qui est le fait d'assumer de porter une mesure provisoirement impopulaire, mais que l'on estime juste. Moi, je prendrais cet exemple de... alors c'est une campagne électorale, mais c'est la campagne de 1981, quand François Mitterrand assume de porter, disons, l'abolition de la peine de mort, qui à l'époque est, n'a pas la faveur de l'opinion, hein, et majoritairement l'abolition est rejetée par la majorité de l'opinion. Et il y a une émission d'entre-deux-tours où la question lui est posée et où Mitterrand dit « Écoutez, oui, nous le ferons parce que dans l'intimité de ma conscience, je sais que c'est juste. » Donc là, il y a l'idée, voilà, que quelque chose qui est juste, c'est-à-dire l'abolition de la peine de mort, on doit pouvoir la défendre, même au risque, ici, de perdre l'élection, puisqu'on sait que ça se jouait quand même à quelques centaines de milliers de voix. Et là, on a peut-être l'exemple aussi du rôle de... Alors, est-ce que c'était la conviction, d'ailleurs, intime de Mitterrand? On n'en sait rien, parce que ça, c'est assez complexe dans la biographie de Mitterrand. Mais en tout cas, l'idée qu'il y a des convictions qu'il faut porter, et des choses que l'on juge justes, y compris si elles sont encore impopulaires. Et donc là, il y a une dialectique assez complexe, hein, de la justice et de la popularité qui renvoie aussi à ce pôle de la conviction dans la politique. On va revenir sur le cas Mitterrand et Badinter, c'est finalement Robert Badinter qui l'a porté, cette réforme. Et aussi même juste avant les mesures de Valéry Giscard d'Estaing, puisque c'est lui qui finalement avance le droit de vote à 18 ans, non pas à 21 ans, prenant le risque par là de perdre une partie de l'électorat, car il sait que les plus jeunes sont ceux qui vont voter pour Mitterrand. Mais revenons à Churchill un instant, parce que je disais que lorsque Churchill prononce ce discours, il se met tout le monde à dos. En fait, c'est pas vrai. Il se met la Chambre des communes à dos. Mmh. Il sait que le roi va lui donner son assentiment, donc ça lui donne le courage de le faire. Mais il a le soutien du peuple. Et comment le sait-il? C'est bien parce que lui-même est à lui qui n'avait jamais pris le métro de sa vie, qui n'est jamais sorti sans son chauffeur, sa femme, ses trois cigares, etc. Eh bien, va se rendre dans le métro à la rencontre des citoyens. Le film récemment sorti sur les écrans, Les Heures Sombres, de Joe Wright, montre cette scène absolument fabuleuse où le Premier ministre Winston Churchill entre dans le métro et dialogue avec les citoyens. Écoutez. Does anyone have a match? Thank you. Have you never seen a prime minister ride the underground before? What is your name? Oliver Wilson, sir. Mm. And what do you do, Mr. Wilson? Bricklayer, sir. Ah, bricklayer. We shall have great need of bricklayers soon. Our business will be looking up. Please, please, sir. Sit, everyone. How can man die better than facing fearful odds? For the ashes of his fathers and the temples of his gods. Are you crying? Yes, I blab a lot, you know. what stop is this? Westminster, sir. Westminster, it's my stop. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, que les auditeurs me pardonnent cet extrait en anglais, en version originale. Il fallait entendre la voix de Churchill interprétée par Gary Oldman dans une prestation absolument extraordinaire pour faire entendre l'émotion qu'il y a dans la voix de l'acteur. Et donc, de Churchill, on peut présumer qu'il en est allé ainsi. La scène est extraordinaire, Jean-Claude Monod, parce qu'ils sont dans le métro, donc là où seul le peuple se trouve. Churchill entre dans le métro, demande une allumette, parce qu'il va allumer son cigare, donc c'est une manière de créer le contact. On voit qu'il sait exactement comment s'y prendre avec ces gens qu'il ne connaît pas. Il leur demande comment ils s'appellent, il leur demande leur métier. Dans l'extrait, l'homme disait « je suis un maçon », il disait « voilà, maçon, le métier de l'avenir ». Et puis on sent l'émotion qui s'empare de lui alors qu'il se met à parler de lui-même. Il a tout compris. En termes de stratégie électorale, c'est absolument ce qu'il faut faire. Et il paraît complètement sincère. C'est là l'ambivalence, en fait, de ce qu'on pourra appeler plus tard le populisme, s'adresser au peuple pour le séduire. Oui, c'est-à-dire que on a là une figure qui, bon, à l'époque, est assez novatrice dans la communication politique ou dans l'action politique. Loin des médias, j'ai pas précisé, évidemment. Oui, là, c'est loin des médias, ce qui en fait autre chose qu'une opération de communication. Mais, d'ailleurs, bon, c'est pas tout à fait nouveau, c'est-à-dire que même dans le cas des empires, il y avait cette idée que de temps en temps, l'empereur devait condescendre à s'approcher du peuple. C'est, il y a un livre d'un historien de la christianisation de Rome. Alors c'est plutôt la Rome chrétienne, Peter Brown, qui parle de la sunt catabasis impériale, c'est-à-dire le fait qu'on, voilà, l'empereur descend dans le peuple et montre qu'il est malgré tout, tout en étant le premier, il est aussi un élément du peuple. Et c'est quelque chose que je crois dans les démocraties modernes, on a souvent vu. Alors, on a souvent vu mise en scène. Et il y a des formes un peu ridicules, hein, de cette façon. On cite souvent Giscard d'Estaing, que vous avez cité tout à l'heure, et qui a fait des capris, des mesures importantes par ailleurs, des mesures progressistes. Mais bon, c'est l'accordéon de Giscard d'Estaing. C'est-à-dire lorsqu'on joue, on surjoue une proximité avec le peuple, mais assez temporaire. Hein, on va tout à coup un matin dans le métro. Mais effectivement, dans le cas du film et de Churchill, il y a cet effet de nouveauté. Il veut dire, enfin, vous n'avez jamais vu un premier ministre dans le métro. Effectivement, ça ne s'était jamais vu. Donc, il y a un effet de nouveauté. Et puis, peut-être de sincérité. C'est-à-dire que c'est un moment où les élites ne suivent plus le Premier ministre, et le Premier ministre va donc chercher une sorte de légitimité de proximité ou de légitimité voilà, qui est plus directe, qui passe par le partage d'une émotion aussi avec le peuple. Et bon, ce sont des dimensions qui, vous le disiez en commentant cet extrait, sont aujourd'hui perçues avec une certaine ambivalence, parce qu'on se demande toujours justement, un, si ça n'est pas joué, c'est-à-dire si la proximité avec le peuple n'est pas jouée. C'est une chose peut-être qui a pu être suscitée par certains efforts, par exemple, de Nicolas Sarkozy pour parler de façon, en quelque sorte, moins formelle ou plus populaire, voilà. Et ça peut gagner justement une certaine sympathie, et en même temps, c'est assez réversible, parce que vraiment, on se dit, mais un, peut-être qu'il fait un peu déchoir la fonction. Il y a une dignité de la fonction qui implique que bon, on parle correctement lorsqu'on est président de la République. Et deux, on se demande toujours si ça n'est pas une manipulation, si ce n'est pas joué. C'est-à-dire, on joue le populaire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une méfiance vis-à-vis de ce qui peut apparaître comme une stratégie de communication bien connue, finalement, qui est la proximité. Il y a des travaux de sciences politiques, de philosophie politique qui essayent d'analyser les transformations de la légitimité aujourd'hui, de la démocratie d'opinion, justement, la démocratie qui est très liée à des médias en continu, donc à des formes où l'opinion s'exerce de manière presque constante, etc. Et donc, est-ce qu'il faut montrer sa proximité et au fond saturer de sa présence le peuple et être un peu partout, ou bien est-ce que au fond la vieille image d'un gouvernant qui quand même sa dignité, sa parole disons distinguée, et qui sait aussi ménager sa rareté, ne demeure pas quand même des coordonnées de l'exercice de gouverner démocratique. Et par exemple, en Grèce antique, on disait que Périclès savait très bien faire ça, c'est-à-dire c'était le grand orateur par excellence, mais il savait ménager sa rareté, c'est-à-dire il n'intervenait pas trop, il intervenait au bon moment, il ne saturait pas non plus le public de sa présence. Et ce qui me paraît intéressant, juste sur l'exemple de Périclès aussi, c'est qu'à l'époque, donc dans la démocratie athénienne, il y avait quand même l'idée que même ces grands personnages, et il fallait se ménager des moyens d'action contre eux, des moyens de contrôle. Et donc, c'est toute la procédure de l'ostracisme. On sait par exemple que donc les citoyens d'Athènes ont souvent voté pour ostraciser Périclès, c'est-à-dire le plus grand politique, c'est-à-dire de pouvoir de temps en temps l'arrêter, mettre un frein à son pouvoir. Et je pense que ça, c'est quand même important par rapport à une pente aujourd'hui qui tend à concentrer finalement le rapport de gouverner dans une sorte de rapport direct du gouvernant suprême, mettons, et du peuple, au mépris de toutes les médiations, de toutes les autorités qui peuvent justement servir de contrepoids, de contre-pouvoir, de filtre. Voilà, de rappeler que dans la démocratie, même à l'origine, il y a quand même l'idée qu'il fallait aussi se méfier des gens qui veulent avoir une popularité trop au fond directe et pour se passer de toutes les autres autorités, de tous les autres pouvoirs. La question est de savoir ce qui distingue le discours de Churchill qui s'adresse directement au peuple contre les élites, pouvons-nous dire, hein, contre ceux qui peuplent la Chambre des communes et qui sont contre lui, et qui donc se rend dans le métro et donc loin de toute forme de caméra, de toute forme d'intermédiaire, et qui s'adresse au peuple avec émotion et possiblement sincérité. Et un autre type de discours qui lui aussi s'adresse au peuple et qui lui aussi tourne le dos aux élites et qu'on qualifie de populiste. Écoutez. Today. We are not merely transferring power. Aujourd'hui, nous ne transférons pas simplement le pouvoir d'un gouvernement à un autre, ni d'un parti à un autre, mais nous transférons le pouvoir de Washington et le redonnons à vous, le peuple. For too long, a small group in our nation's capital. Pendant trop longtemps, un petit groupe de la capitale de notre nation a raflé les récompenses du gouvernement pendant que le peuple en faisait les frais. Washington a prospéré, mais le peuple n'en a pas profité. Les politiciens ont prospéré, mais les boulots ont disparu et les usines ont fermé. Tout cela va changer ici et maintenant, car cet instant est votre instant, il vous appartient. Il n'existe que deux sortes de péchés mortels en politique : ne défendre aucune cause et n'avoir pas le sentiment de sa responsabilité. Deux choses qui sont souvent, quoique pas toujours, identiques. La vanité, ou en d'autres termes, le besoin de se mettre personnellement de la façon la plus apparente possible au premier plan, induit le plus fréquemment l'homme politique en tentation de commettre l'un ou l'autre de ses péchés, ou même les deux à la fois. D'autant plus que le démagogue est obligé de compter avec l'effet qu'il fait. C'est pourquoi il court toujours le danger de jouer le rôle d'un histrion ou encore de prendre trop à la légère la responsabilité des conséquences de ses actes, tout occupé qu'il est par l'impression qu'il peut faire sur les autres. D'un côté, le refus de se mettre au service d'une cause le conduit à rechercher l'apparence et l'éclat du pouvoir au lieu du pouvoir réel. De l'autre côté, l'absence du sens de la responsabilité le conduit à ne jouir que du pouvoir pour lui-même, sans aucun but positif. Parce que la puissance est le moyen inévitable de la politique et qu'en conséquence, le désir du pouvoir est une de ses forces motrices, il ne peut y avoir de caricature plus ruineuse de la politique que celle du matamore qui joue avec le pouvoir à la manière d'un parvenu ou un narcisse vaniteux de son pouvoir, bref, tout adorateur du pouvoir comme tel. Le texte de Max Weber que je viens de lire, extrait du Savant et du Politique, enfin Le Savant et le Politique, il date de 1919, semble avoir été écrit pour commenter le discours de Donald Trump, Jean-Claude Monod en clair, cette espèce de vanité à l'œuvre qui fait qu'à défaut d'être au service d'une cause, eh bien le gouvernant devient au service du pouvoir lui-même et donc s'adresse au peuple comme si lui seul pouvait lui parler, c'est-à-dire qu'en réalité, pour garder le pouvoir et pour même l'obtenir, ou pour féliciter le peuple de l'avoir élu, Trump ici s'adresse directement au peuple en disant « il n'y a que moi pour vous aider, les autres vont s'emparer de vous, vont vous manipuler, vous appauvrir, moi je suis là pour vous redonner le peuple ». Ça c'est ce qu'on appelle le populisme, Jean-Claude Monod ? C'est peut-être une des formes du populisme, mais c'est vrai que le populisme est un mot aujourd'hui beaucoup utilisé, peut-être de façon un peu parfois abusive, où on y met un peu toutes sortes de choses. On peut dire que Le populisme, c'est une façon de tracer une frontière entre nous, le peuple, et eux. C'est bon. Nous le peuple. Nous le peuple. Et eux les gouvernants. Et eux, alors voilà, les eux, ça peut varier. Ça peut être eux les gouvernants. Donc ici l'élite, c'est-à-dire Washington DC, le petit groupe de la capitale dont parle Trump. Donc ça, c'est assez typique d'une forme, si l'on veut, de populisme, c'est-à-dire un gouvernant qui, au fond, gouverne contre, disons, ceux qui ont gouverné jusqu'à présent et dit qu'il va gouverner contre, disons, les élites administratives et politiques qui font tourner l'État. Alors, en même temps, on voit que ce qui est extraordinairement compliqué et ambivalent avec le populisme, c'est que ça joue sur un ressort qui est, en un sens, un ressort démocratique. C'est-à-dire, c'est l'idée que, voilà, le peuple doit exercer le pouvoir, selon la définition fameuse de Lincoln, hein, du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et donc, on peut avoir l'impression que le populisme est une sorte de rappel. De la démocratie à elle-même, c'est-à-dire au fond par quelqu'un qui s'en extrait quand même par quelqu'un qui s'en extrait, enfin, c'est toute l'ambiguïté, hein, il a été mais élu, se présente comme différent. Il se présente comme différent et donc il développe un discours en rupture avec certaines habitudes du discours des grands servants de l'État et des élites traditionnelles. Donc il faut qu'il donne le sentiment de venir d'ailleurs. Et d'avoir une autre forme de légitimité, une autre forme d'expérience. Et donc, alors aux États-Unis, on le voit, et ailleurs, d'ailleurs dans le monde, ça peut être un personnage extérieur, disons, au monde politique et aux grandes écoles de l'administration, qui va plutôt avoir mettre en avant sa réussite économique personnelle. Avec Trump, mais il y a d'autres exemples dans le monde actuel. Dans les populismes actuels, sont souvent des millionnaires, des milliardaires qui disent « Voilà, moi je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de l'État. » Et je vais renouveler le pouvoir, je vais renouveler l'exercice du pouvoir parce que je viens d'ailleurs que cette élite libérale, entre guillemets, cette élite qui a été formée dans les mêmes écoles, qui parle le même langage et qui est technocratique et qui est acquise aussi à certaines, au fond, qui a oublié le peuple, le petit peuple, les ouvriers éventuellement. Et donc, il y a cette ambivalence. On peut dire Trump, c'est par excellence le populisme de droite parce que ça joue sur plutôt un ressort qui est celui de l'Amérique en premier, donc sur un ressort plutôt national, sur un ressort nationaliste, sur un ressort d'exclusion des étrangers, hein, avec le mur pour le Mexique, etc. Mais en même temps, même le populisme de droite fait appel à l'idée qu'une part du vrai peuple, du peuple réel, comme on dit parfois, du pays réel, est oubliée par la politique, par les élites, et donc le populisme de droite aussi s'adresse par exemple aux ouvriers, ouais, qui ont été oubliés par les élites libérales. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre le populisme de droite et de gauche ? Alors ça, c'est une grande question actuelle, je pense. C'est la question que soulève d'ailleurs Chantal Mouffe à la suite d'Ernesto Laclau, c'est-à-dire est-ce que au fond, l'alternative au populisme de droite qui a l'air d'avoir un grand succès en ce moment. Et qui est donc de s'adresser au nom de l'idée d'une nation ? Bah, le populisme de droite fait quand même d'abord appel, oui, à la frontière eux-nous, mais je crois sous deux modalités, c'est eux-nous, c'est-à-dire l'élite libérale, au sens, qui peut être aussi l'élite de gauche, l'élite intellectuelle, l'élite qui a le pouvoir, qui est la France Culture. Hein. Mais, l'élite de gauche, France Culture ? Peut-être. Oui, non, mais là, droit de réponse. Hein. Là, je me fais l'écho, vous voyez, d'un certain discours qui va identifier, disons, les élites intellectuelles à des gens libéraux, progressistes et cosmopolites, et le peuple qui sera plutôt le peuple national oublié, le peuple des villes industrielles sinistrées, des campagnes sinistrées, qui lui n'a pas voix au chapitre, etc. Et je pense qu'il y a une force de ce discours. Il faut comprendre aussi d'où vient cette force. Parce qu'il faut analyser les ressorts sociologiques du populisme et notamment le sentiment d'abandon d'une partie de la population. Je crois que c'est pour ça que le discours sur le populisme souvent est un peu énervant. On a l'impression, voilà, c'est juste le mal. Bon, alors il faut essayer aussi de voir d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'il y a un sentiment de dépossession démocratique, des possessions de la décision, et d'abandon d'une partie de la population. Je pense que c'est un défi d'ailleurs pour les non-populistes. D'où est venu cela, y compris en Europe, y compris d'ailleurs dans l'Europe, je dirais, au sens d'une entité politique qui est parfois a donné l'impression d'avoir un agenda politique dissocié des aspirations des peuples. Enfin, tout ça, voilà, il y a des ressorts. Et alors, est-ce que ça se différencie? Alors, le populisme de gauche, en fait, on connaît pas tellement, on sait pas tellement, on n'en a pas tellement d'exemples. Alors, on a des exemples plutôt latino-américains. En Amérique latine, on a des exemples. Il y a eu ce qu'on a appelé la vague populiste de gauche, mais dont le bilan a été assez peu fait en Europe. On parle en général de Chavez. Mais Chavez, donc là, on a la forme la plus, disons, illibérale du populisme. Quelqu'un, on a parlé de l'homme-peuple, c'est-à-dire, voilà, je suis le peuple, vous citiez ça, c'est-à-dire, le peuple, c'est moi, et c'est moi seulement, et tout le reste, ce sont les ennemis du peuple. Ça, c'est évidemment le danger anti-libéral au sens politique du populisme. Mais il y a eu des formes. Par exemple, on a dit que Lula était une forme de populisme de gauche. Et Lula, c'est quelqu'un qui parlait un langage, alors là, très coloré, qui avait une expérience sociale très différente de l'élite traditionnelle, qui était un ancien ouvrier, qui avait perdu ailleurs un doigt dans une machine-outil, dont la femme était morte en couchette. Donc il y avait une expérience sociale assez, peut-être qui renvoie un peu à Hugo, et qui a fait avancer, la lutte contre les inégalités. Et donc voilà, la question du populisme de gauche, je pense, reste ouverte. Alors en ce moment, en France, on se demande si Mélenchon relève du populisme de gauche. Mais je pense que c'est une question assez ouverte. Vous ne prenez pas beaucoup de risques. C'est une question ouverte, oui. Non, je prends pas de risque dans la mesure où, je pense que c'est un enjeu actuel pour la gauche. C'est-à-dire, on voit que le socialisme traditionnel est en fort déclin. Ce qui se présente comme une force ascendante, c'est peut-être le populisme de gauche. Alors, le populisme de gauche, ça peut être tout à fait dangereux, si c'est Chavez, à mon sens. Donc, je prends, non pas le risque, mais disons le parti de condamner cette forme-là. Je veux dire, enfin, qui peut désirer ça aujourd'hui? En revanche, est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait que la gauche assume une certaine conflictualité, une certaine frontière, disent, vous voyez, il y a des intérêts dominants, il y a 1% de la population qui capte la richesse mondiale, il y a des gens qui, effectivement, profitent d'un système de redistribution qui est aujourd'hui mal fait. Mais ça, c'est vrai. Voilà. Du coup, ça, c'est pas du populisme. C'est très compliqué de voir à partir de quand est-ce que l'étiquette populisme s'applique. C'est-à-dire que l'étiquette populisme a été vue comme péjorative. Et alors qu'à l'origine, si vous prenez le populisme russe ou le populisme américain, ce sont pas des formes péjoratives. Ce sont des gens qui expriment des intérêts d'une part de la population plutôt agraire, contre des projets industriels ou de chemin de fer, etc. Donc, il y a une histoire, je pense, du populisme qui est à faire et qui est peut-être à refaire pour comprendre pourquoi c'est immédiatement pour nous un terme péjoratif. Mais ensuite, je pense qu'il y a une question plus vaste qui est l'idée, au fond, de l'infaillibilité du peuple. C'est peut-être là un noyau de la difficulté. Et ça, on le trouve dans la pensée démocratique, on le trouve chez Rousseau, plutôt républicaine, mais l'idée que la volonté générale ne peut pas errer. C'est-à-dire, si on veut le général, si on veut l'intérêt du peuple, on a toujours raison. Donc, en un sens, le peuple a toujours raison. Et alors, est-ce que c'est une idée qu'on peut encore soutenir, ou est-ce que c'est une idée qui est morte, disons, au XXe siècle, avec des... Et ça aussi, c'est assez difficile de savoir si on peut tout à fait se passer de cette idée, voilà, que le peuple, c'est vraiment le fondement de la légitimité. Et en même temps, il faut voir qu'évidemment, c'est une idée qui peut devenir dangereuse si ça veut dire que aucune norme internationale, aucune idée de droit universel, etc., ne s'impose. Si c'est dirigé, et je crois que c'est le cas dans les populismes de droite actuels, c'est-à-dire il y a l'idée que le peuple national a tous les droits. S'il veut priver de droits une partie de la population, s'il veut ne pas accueillir des gens qui sont mourants sur des bateaux, il a le droit. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très dangereux et qui joue sur une figure du peuple, qui est le peuple ethnos, et qui a le vent en poupe aujourd'hui. Il a le droit, le peuple a tous les droits. Mais paradoxalement, ce n'est pas lui qui s'exprime directement, parce que dans tous les mouvements populistes dont vous parlez, il y a toujours un leader, un chef. Et vous reveniez aux origines du populisme en Russie au XIXe siècle, c'est quand même Lénine qui a été contre le mouvement populiste contre les tsars, a engendré un représentant en chef, si j'ose dire, qui est devenu Lénine. Donc, et encore aujourd'hui c'est pareil. Les bolcheviques et le populisme, c'est assez compliqué, et même entre marxisme et populisme. Mais il y a un leader. C'est ça. C'est à la fois le peuple qui a toujours raison, et c'est ce qu'on reproche aux populistes en France également. c'est de se placer en gourou, en porte-parole, au lieu de laisser les personnes s'exprimer. C'est vrai. Donc ce paradoxe, il est aussi très intéressant et complexifie considérablement l'analyse même du populisme. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une prétention à parler au nom du peuple, et cette prétention est retournée éventuellement contre les procédures démocratiques elles-mêmes, notamment contre la délibération. Et là, c'est là où il y a une perversité, si on veut, du populisme, si on n'en prend que la définition péjorative. Mais moi, je pense qu'il faut un peu travailler ce terme. Mais si on l'entend péjorativement, c'est effectivement cette façon de jouer, au fond, une légitimité charismatique ou une légitimité du leader contre les procédures démocratiques, et notamment contre la délibération pluraliste, contre l'idée qui est quand même consubstantielle à la démocratie, mais qui vient plutôt d'une vision libérale de la démocratie, qui est qu'il faut qu'il y ait une pluralité de points de vue qui s'exprime, et qu'il n'y a pas donc un homme qui peut concentrer en lui seul, ou une femme, ou une femme bien sûr, la parole du peuple et les désirs du peuple. Et donc, voilà. Là, on a un problème de constitution, alors, parce que aujourd'hui, il y a quand même un président qui concentre. Ah oui, un président, mais il y a quand même un parlement, il y a quand même. Oui, mais c'est quand même une figure. Une cour constitutionnelle. Centrale. Donc, ça, c'est une question de savoir si dans la République, on a voulu un peu apprivoiser cette dimension charismatique ou du leader, ou si on lui a encore donné trop de place. Sur la dimension positive du populisme, vous avez l'air de dire qu'il y en a une. Qu'est-ce que vous pouvez nous la définir? C'est-à-dire, ça dépend comment on définit le populisme, mais si on essaye de lui donner une acception qui ne soit pas uniquement péjorative, c'est la réponse au sentiment de dépossession démocratique. C'est-à-dire, c'est le fait d'essayer de porter sur la place publique des demandes populaires insatisfaites, des demandes latentes, des choses qui sont attendues, et l'idée qu'une certaine, disons un certain establishment, une certaine élite, ce que Bourdieu appelait d'ailleurs la noblesse d'État, puisse être sourde à certaines dimensions de la vie du peuple n'est pas tout à fait absurde. L'idée qu'il y ait un entre-soi des élites économiques et politiques, par exemple en France aujourd'hui, une perméabilité trop grande qui fait qu'on va plutôt favoriser les plus favorisés, n'est pas absurde. Donc il y a des choses qui, peut-être, dans une forme... Dans les revendications, populiste. Pas dans le populisme lui-même, ouais. Ce que vous voulez dire, c'est que les discours que l'on qualifie de populistes n'ont pas toujours tort, ça, voilà. Bien sûr. Voilà. C'est plus la méthode mise en œuvre qui est critiquée, non, que le fond. Parfois, on a l'impression que c'est les deux. C'est-à-dire l'impression que dès qu'on émet l'idée, justement, qu'il peut y avoir une surdité des élites à certaines demandes populaires, on est populiste. Dès qu'on émet l'idée que il y a une dépossession démocratique ou qu'il y a une trop grande porosité entre les élites politiques et les élites administratives, les élites économiques, on est populiste. Or, bon, tout ça peut être parfaitement discuté et, en un sens, validé. Je citais Bourdieu, il y a des éléments de sa critique de la noblesse d'État qui, je pense, sont assez recevables et même doivent être relus aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça relève du populisme. Enfin, ou bien... Alors, ce qui relève du populisme, est-ce que c'est simplement ce rapport leader peuple, ou est-ce que c'est le fait de porter des demandes qui ne sont plus entendues? Et c'est là où il y a un enjeu sémantique. Eh ben, merci d'être venu en discuter. En tout cas, montrer que c'était possible à ce micro aujourd'hui, Jean-Claude Monod. Votre livre s'appelle Qu'est-ce qu'un chef en démocratie? Il est disponible en Point Seuil. Et on se quitte avec Nada Surf qui chante les vices et les vertus du populaire. Only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness and honestly, appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you don't make friends. I'm popular. I'm a quarterback. I'm popular. France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Vous l'ignorez sans doute, mais je suis une très grande admiratrice de la philosophe et professeure des universités, Blandine Krigel. Je l'ai donc jointe pour qu'elle nous parle de son livre « Spinoza, l'autre voie » qui vient de paraître aux éditions du CERF. Bonjour Blandine Krigel et merci d'avoir accepté cette petite interview. Bonjour à vous. Racontez-nous quelle est cette autre voie, cette autre compréhension de la modernité que propose selon vous Spinoza. Eh bien, vous le savez, la philosophie moderne a été reconstruite à la Renaissance après un doute sceptique porté sur la philosophie des anciens et en particulier l'idée d'une adéquation de l'esprit humain au monde. Et on doit beaucoup dans cette reconstruction à Descartes. Descartes, en effet, a décalé la philosophie, la contemplation, la connaissance comme contemplation vers l'idée d'un « je pense », n'est-ce pas, qui était fondamental, d'une philosophie qu'on a appelée ensuite la philosophie du sujet, la philosophie réflexive. Et c'est une reconstruction magistrale, mais avec un coût élevé. Pour ce faire, Descartes a sorti l'homme de la nature pour lui promettre d'en devenir le maître et le possesseur. Il a établi une partition, une hiérarchie entre l'âme et le corps, non seulement dans l'univers, mais également dans l'homme, qui a évidemment séparé l'homme des animaux, en particulier les animaux n'ayant qu'un corps sont considérés comme des animaux-machines. Et il a fait cette partition entre la volonté et l'entendement. Et du coup, eh bien, il a acheminé ses petits-neveux, comme il disait, ses successeurs, pas immédiatement, mais plus tard, avec les post-canciens, à une idée, en vérité, démiurgique de l'humain. Vous voyez, l'homme se prend pour Dieu, il file vers le surhomme, il pense qu'il est par-delà le bien et le mal, qu'il peut inventer les valeurs, bref, à toutes les catastrophes, n'est-ce pas, que le 19e et le 20e siècle a connues sur le plan intellectuel et qui ont d'ailleurs de l'intérieur déclenché ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la crise de la modernité. Alors, par rapport à ça, évidemment, parce que au fond, cette voie de la philosophie réflexive est l'avenue principale de la philosophie moderne, évidemment, la philosophie de Spinoza, longtemps reléguée, considérée comme marginale, Heidegger disait même de lui qu'il était un médiéval, eh bien, est toute différente. Pourquoi ? Parce que d'abord, Spinoza ne sort pas l'homme de la nature, il le laisse en Dieu, il considère qu'il est un homme fini de la substance. Ensuite, il n'accepte pas de séparation entre l'âme et le corps et surtout de hiérarchie. Il estime que partout il y a de l'âme et du corps, du code et de la matière, comme nous disons, que par exemple chez le cheval, chez l'insecte, quoique différemment de chez nous, il y a aussi, n'est-ce pas, de l'âme et du corps. Et enfin, eh bien, il refuse absolument l'idée d'une liberté métaphysique qui nous conduirait à nous considérer un peu comme des dieux et la démiurgie pour ouvrir le chemin d'une liberté par la connaissance de nos déterminations et une réconciliation, disons, de la foi et du savoir, de la morale et de la connaissance. Et surtout, au fond, cette libération, il l'inscrit dans une philosophie politique qui était assez marginale dans la philosophie moderne réflexive, qui est une philosophie de la République démocratique. Oui, alors justement, quand vous évoquez le traité politique, vous dites qu'il marque à la fois l'aboutissement et le tournant de la philosophie politique moderne. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, en vérité, l'âge classique est l'âge de la sécularisation. Et évidemment, tous ces penseurs politiques, comme Spinoza, comme Hobbes, comme Locke, se posait le même problème, c'est-à-dire nous sortons d'une société religieuse, qu'est-ce qu'on garde ? Eh bien, on garde un certain nombre de valeurs qu'on ne trouvait pas, par exemple, dans la philosophie païenne. D'abord, ils construisent quelque chose qui n'existait pas dans la philosophie politique des anciens, même la philosophie républicaine d'Aristote, par exemple, c'est-à-dire les droits de l'homme. Ça commence avec les docteurs néotomistes de l'école de Salamanque. Et une conception de la politique fondée sur le consentement, la loi, le pacte, l'idée de pacte. Et enfin, c'est peut-être le plus important, évidemment, une conception, au fond, d'un pacte d'association, d'un pacte démocratique. Et on doit, à Spinoza proprement dit, on doit l'idée que dans ce courant républicain qui se développe à l'âge classique, eh bien, il est le premier penseur de la démocratie, disant que finalement, la démocratie, c'est le gouvernement le plus adéquat à la République. Il est aussi le penseur de la liberté de conscience, c'est-à-dire de l'acceptation tolérante des différentes fois dans la société. Et et également, évidemment, le penseur de la liberté de la, et surtout d'une politique qui est fondée non pas sur le rapport de force, mais sur la sur le respect des règles communes, des lois. Et c'est pour ça que il met la phrase fameuse « aime ton prochain comme toi-même » comme une valeur fondamentale de fondation de la politique. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà qui constitue une autre voie et un vaste programme. Courez lire Spinoza, l'autre voie de Blandine Krigel, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. C'est noté. Merci à vous, Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Houry, Anaïs Isbert. À la réalisation cette semaine, c'est Lise Combe et Philippe Baudouin. À la prise de son, Clément Daté. À la lecture des textes, peut-être l'aurez-vous reconnu, c'était Elie Semoun, que l'on retrouvera demain pour la suite de cette série sur le populaire. Demain, toujours à la lecture des textes, car mon invité sera Agnès Guéraud. La philosophe Agnès Guéraud qui viendra vous parler de la pop-musique et vous présenter sa dialectique de la pop-musique. Mais oui. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, l'équipe des chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.